Le lendemain, de nombreuses salves d'artillerie, le roulement des tambours et les cris de joie de tout le peuple ayant annoncé la fête du jour, Élisabeth, vêtue d'un habit que lui avait prêté sa bonne hôtesse et appuyée sur le bras de Jacques Grossi, se mêla parmi la foule qui suivait le cortège et se rendit à la grande église de l'Assomption, où l'empereur Alexandre devait être couronné. Le temple saint était éclairé de plus de 1000 flambeaux et décoré avec une pompe éblouissante. Sur un trône éclatant, surmonté d'un riche dais, on voyait l'empereur et sa jeune épouse, vêtus d'habits magnifiques et brillant d'une si extraordinaire beauté qu'ils paraissaient à tous les regards comme des êtres célestes. Prosternée devant son auguste époux, la princesse recevait de ses mains la couronne impériale et saignait son front modeste de ce superbe gage de leur éternelle union. Vis-à-vis d'eux, le vénérable Platon, patriarche de Moscou, du haut de la chaire de vérité, rappelait à Alexandre, dans un discours éloquent et pathétique, tous les devoirs des rois et l'effrayante responsabilité que Dieu fait peser sur leur tête pour compenser la splendeur et la puissance dont il les environne. Parmi cette foule immense qui remplissait l'église, il lui montrait des Kamchadals, apportant des tribus de peaux de loutre arrachées aux îles Aleutiennes, qui touchent au continent de l'Amérique. Des négociants d'archangels chargés des richesses que leurs vaisseaux vont chercher dans les mers d'Europe. Il lui montrait des Samoyèdes, venus de l'embouchure de l'Inessier, où règne un éternel hiver, où les moissons sont inconnues, où jamais un grain n'a germé, et des naturels d'Astrakhan, qui voient mûrir dans leurs champs le melon, la figue et le doux fruit de la vigne qui y donne un vin exquis. Il lui montrait enfin des habitants de la mer Noire, de la mer Caspienne et de cette grande Tartarie, qui, bornée par la Perse, la Chine et l'Empire du Mogol, s'étend du couchant à l'aurore, embrasse une moitié du monde et atteint presque jusqu'au pôle. « Maître du plus vaste empire de l'univers, lui disait-il, vous qui allez jurer de présider aux destinées d'un État qui contient la cinquième partie du globe, n'oubliez jamais que vous allez répondre devant Dieu du sort de tant de milliers d'hommes, et qu'une injustice faite au moindre d'entre eux, et que vous auriez pu prévenir, vous sera comptée au dernier jour. » À ces paroles, le cœur du jeune empereur parut vivement ému. Mais il y avait dans l'église un cœur qui n'était pas moins ému, peut-être. C'était celui qui allait demander la grâce d'un père. Au moment où Alexandre prononça le serment solennel par lequel il s'engageait à dévouer son temps et sa vie au bonheur de ses peuples, Élisabeth crut entendre la voix de la clémence qui ordonnait de briser les chaînes de tous les malheureux. Elle ne put se contenir plus longtemps. Avec une force surnaturelle, elle écarte la foule, se fait jour à travers les haies de soldats, s'élance vers le trône en s'écriant « Grâce, grâce !» Cette voix, qui interrompait la cérémonie, causa beaucoup de rumeurs. Des gardes s'avancèrent et entraînèrent Élisabeth hors de l'église, en dépit de ses prières et des efforts du bon Jacques Grossi. Cependant, l'empereur, dans un si beau jour, ne veut pas avoir été imploré en vain. Il ordonne à un de ses officiers d'aller voir ce que cette femme demande. L'officier obéit. Il sort de l'église. Il entend les accents suppliants de l'infortuné qui se débat au milieu des gardes. Il tressaille, précipite ses pas. La voix la reconnaît et s'écrie « C'est elle, c'est Élisabeth !» La jeune fille ne peut croire à tant de bonheur. Elle ne peut croire que Smoloff soit là pour sauver son père. Cependant, c'est sa voix, ses traits. Elle ne peut s'y méprendre. Elle le regarde en silence et étend ses bras vers lui comme s'il venait lui ouvrir les portes du ciel. Il court à elle, hors de lui-même, et lui prend la main. Il doute presque de ce qu'il voit. « Élisabeth, lui dit-il, est-ce bien toi ?» « D'où viens-tu, ange du ciel ?»« Je viens de Tobolsk. »« De Tobolsk, seul, à pied ?» Il tremblait d'agitation en parlant ainsi. « Oui, répondit-elle, je suis venu seul, à pied, pour demander la grâce de mon père. Et on m'éloigne du trône, on m'arrache de devant l'empereur. »« Viens, viens, Élisabeth, interrompit le jeune homme avec enthousiasme. C'est moi qui te présenterai à l'empereur. Viens lui faire entendre ta voix. Viens lui adresser ta prière. Il n'y résistera pas. » Il écarte les soldats, ramène Élisabeth vers l'église. En ce moment, le cortège impérial défilait par la grande porte. Aussitôt que le monarque parut, Smoloff se fit jour jusqu'à lui, en tenant Élisabeth par la main. Il se jette à genoux avec elle. Il s'écrie « Sire, écoutez-moi, écoutez la voix du malheur, de la vertu. Vous voyez devant vous la fille de l'infortuné Stanislas Potovski. Elle arrive des déserts d'Ishim, où depuis 12 ans, ses parents languissent dans l'exil. Elle est partie seule, sans secours. Elle a fait la route à pied, demandant l'aumône et bravant les rebuts, la misère, les tempêtes, tous les dangers, toutes les fatigues, pour venir implorer à vos pieds la grâce de son père. » Élisabeth éleva ses mains vers le ciel en répétant « La grâce de mon père !» Il y eut parmi la foule un cri d'admiration. L'empereur lui-même fut frappé. Il avait de fortes préventions contre Stanislas Potocki, mais en ce moment elles s'effacèrent. Il crut que le père d'une fille si vertueuse ne pouvait être coupable. Mais l'eût-il été, Alexandre aurait pardonné encore. « Votre père est libre, lui dit-il. Je vous accorde sa grâce. » Élisabeth n'en entendit pas davantage. À ce mot de grâce, une trop vive joie la saisit, et elle tomba sans connaissance entre les bras de Smoloff. On l'emporta à travers une foule immense qui s'ouvrit devant elle, en jetant des cris et en applaudissant à la vertu de l'héroïne et à la clémence du monarque. On la transporta dans la demeure du bon Jacques Rossi. C'est là qu'elle reprit l'usage de ses sens. Le premier objet qu'elle vit fut Smoloff à genoux auprès d'elle. Les premiers mots qu'il lui dit furent les paroles qu'elle venait d'entendre de la bouche du monarque. « Élisabeth, votre père est libre, sa grâce vous est accordée. » Elle ne pouvait parler encore. Ses regards seuls disaient sa joie et sa reconnaissance. Il disait beaucoup. Enfin, elle se pencha vers Smoloff. D'une voix émue, tremblante, elle prononça le nom de son père, celui de sa mère. « Nous les reverrons donc, ajouta-t-elle. Nous jouirons de leur bonheur. » Ces mots pénétrèrent jusqu'au fond de l'âme du jeune homme. Élisabeth ne lui avait point dit qu'elle l'aimait, mais elle venait de l'associer au premier sentiment de son cœur, au premier besoin de sa vie. Elle venait de le mettre de moitié dans la plus douce félicité qu'elle attendait de l'avenir. Dès ce moment, il osa concevoir l'espérance qu'elle pourrait peut-être consentir un jour à ne plus séparer ce qu'elle venait d'unir. Plusieurs jours se passèrent avant que la grâce pût être expédiée. Il fallait revoir l'affaire de Stanislas Potocki. En l'examinant, Alexandre fut convaincu que la seule équité lui eût ordonné de briser les fers du noble palatin. Mais il avait fait grâce avant de savoir qu'il devait faire justice, et les exilés ne l'oublièrent jamais. Un matin, Smoloff entra chez Élisabeth plus tôt qu'il ne l'avait osé faire jusqu'alors. Il lui présenta un parchemin scellé du sceau impérial. « Voici, lui dit-il, l'ordre que l'empereur envoie à mon père de mettre le vôtre en liberté. » La jeune fille saisit le parchemin, le pressa contre son visage et le couvrit de larmes. « Ce n'est pas tout, ajouta Smoloff avec émotion. Notre magnanime empereur ne se contente pas de rendre la liberté à votre père. Il lui rend ses dignités, son rang, ses richesses, toutes ses grandeurs humaines qui élèvent les autres hommes, mais qui ne pourront élever Élisabeth. Le courrier, porteur de cet ordre, doit partir demain matin. J'ai obtenu de l'empereur la permission de l'accompagner. » « Et moi, interrompit vivement Élisabeth, ne l'accompagnerai-je pas ?»« Ah, vous l'accompagnerez sans doute, reprit Smoloff. Quelle autre bouche que la vôtre aurait le droit d'apprendre à votre père qu'il est libre ?»« J'étais sûr de votre intention. J'en ai informé l'empereur. Il a été touché, il vous approuve, et il me charge de vous annoncer que demain, vous pourrez partir. Qu'il vous donne une de ses voitures, deux femmes pour vous servir, et une bourse de 2000 roubles que voici pour vos frais de route. » Et Élisabeth regarda Smoloff. Elle lui dit « Depuis le premier jour où je vous ai vu, je ne me souviens pas d'avoir obtenu un seul bien dont vous n'ayez été l'auteur. Sans vous, je ne tiendrai point cette grâce de mon père. Sans vous, il n'aurait jamais revu sa patrie. Ah, c'est à vous à lui apprendre qu'il est libre, et ce bonheur sera le seul digne de vos bienfaits. » « Non, Élisabeth, répartit le jeune homme, ce bonheur sera votre partage. Moi, j'aspire à un plus haut prix. » « Un plus haut prix » s'écria-t-elle. « Oh mon Dieu, quel petit être !» Smoloff fit un mouvement pour parler. Il se retint, il baissa les yeux, et après un assez long silence, il répondit d'une voix émue. « Je vous le dirai au genou de votre père. » Depuis que Smoloff avait retrouvé Élisabeth, il ne s'était point passé un seul jour sans qu'il la vît, sans qu'il demeurât plusieurs heures de suite avec elle, sans qu'il n'eût une nouvelle raison de l'aimer davantage, et sans qu'il s'écartât un moment du respect qu'il lui devait. Elle était loin de ses parents. Elle avait d'autres protecteurs que lui, et cette jeune fille sans défense était à ses yeux un objet trop sacré, trop saint, pour qu'il n'eût pas rougi de lui exprimer un sentiment qu'elle-même aurait rougi d'entendre. Avant de quitter Moscou, Élisabeth avait libéralement récompensé ses bons hôtes. De même, en passant par le Volga, devant Kazan, elle se ressouvint du batelier Nicolas Kisolov. Elle demanda ce qu'il était devenu. On lui apprit que, par la suite d'une chute, Il était tombé dans la plus profonde misère, gisant sur un grabat au milieu de 6 enfants qui manquaient de pain. Et Élisabeth se fit conduire chez lui. Il l'avait vue pauvre et en lambeaux. Elle revenait riche et brillante. Il ne la reconnut pas. Elle tira de sa bourse la petite pièce qu'il lui avait donnée. Elle la lui montra, lui rappela ce qu'il avait fait pour elle, et posant sur son lit 100 roubles. « Tenez, lui dit-elle, la charité ne sème point en vain. Voici ce que vous avez donné au nom de Dieu, voilà ce que Dieu vous envoie. » Élisabeth était si pressée d'arriver auprès de ses parents qu'elle voyageait la nuit et le jour. Mais à Sarapoule, elle voulut s'arrêter. Elle voulut aller visiter la tombe du pauvre missionnaire. C'était presque un devoir filial, et Élisabeth ne pouvait pas y manquer. Elle revit cette croix qu'on avait placée au-dessus du cercueil, ce lieu où elle avait versé tant de larmes. Elle en versa encore, mais elles étaient douces. Il lui semblait que du haut du ciel, le pauvre religieux se réjouissait de la voir heureuse, et que dans ce cœur plein de charité, la vue du bonheur d'autrui pouvait même ajouter au parfait bonheur qu'il goûtait dans le sein de Dieu. « Je me hâte, il est temps. Je ne m'arrêterai point à Tobolsk. Je ne peindrai point la joie de Smoloff en présentant Élisabeth à son père, ni la reconnaissance de celle-ci envers ce bon gouverneur. Comme elle, je ne serai satisfaite qu'en arrivant dans cette cabane, où on compte avec tant de douleur les jours de son absence. Elle n'a point voulu qu'on prévînt ses parents de son retour. Elle sait qu'il se porte bien, on le lui a dit à Tobolsk. On le lui confirme à Saïmka. Elle veut les surprendre, elle ne permet qu'à Smoloff de la suivre. Oh, comme son cœur palpite en traversant la forêt, en approchant des rives du lac, en reconnaissant chaque arbre, chaque rocher. Elle aperçoit la cabane paternelle, elle s'élance, elle s'arrête. La violence de ses émotions l'épouvante. Elle recule devant trop de joie. Ah, misère de l'homme, te voilà bien tout entière. Nous voulons du bonheur, nous en voulons avec excès, et l'excès du bonheur nous tue. Nous ne pouvons le supporter. Élisabeth, s'appuyant sur le bras de Smoloff, lui dit « Si j'allais trouver ma mère malade ?» Cette crainte, qui venait de se placer entre elle et ses parents, tempéra la félicité qui l'accablait, et lui rendit toutes ses forces. Elle court, elle touche au seuil, elle entend des voix, elle les reconnaît. Son cœur se serre, sa tête se perd, elle appelle ses parents, la porte s'ouvre, elle voit son père. Il jette un cri, la mère accourt, Élisabeth tombe dans leurs bras. « La voilà !» s'écria Smoloff, « la voilà qui vous apporte votre grâce !» Elle a triomphé de tout, elle a tout obtenu. Ces mots n'ajoutent rien au bonheur des exilés. Peut-être ne les ont-ils pas entendus. Absorbés dans la vue de leur fille, ils savent seulement qu'elle est revenue, qu'elle est devant leurs yeux, qu'ils l'ont retrouvée, qu'ils la tiennent, qu'ils ne la quitteront plus. Ils ont oublié qu'il existe d'autres biens dans le monde. Longtemps, ils demeurent plongés dans cette extase. Ils sont comme éperdus. On les croirait en délire. Ils laissent échapper des mots sans suite. Ils ne savent ce qu'ils disent. Ils cherchent en vain des expressions pour ce qu'ils éprouvent. Ils n'en trouvent point. Ils pleurent, ils gémissent, et leurs forces, comme leurs raisons, se perdent dans l'excès de leur joie. Smoloff tombe aussi aux pieds des exilés. « Alors, dit-il, vous avez plus d'un enfant. Jusqu'à ce moment, Élisabeth m'a nommé son frère, mais à vos genoux, peut-être, me permettra-t-elle d'aspirer à un autre nom. » La jeune fille prend la main de ses parents, les regarde et leur dit « Sans lui, je ne serais point ici, peut-être. » C'est lui qui m'a conduite aux genoux de l'empereur, qui a parlé pour moi, qui a sollicité votre grâce, qui l'a obtenue. C'est lui qui vous rend votre patrie, qui vous rend votre enfant, qui me ramène dans vos bras. Ô ma mère, dis-moi comment doit se nommer ma reconnaissance. Ô mon père, apprends-moi comment je pourrais m'acquitter. » Fédora, en pressant sa fille contre son sein, lui répondit « Ta reconnaissance doit être l'amour que j'ai pour ton père. » Springer s'écria avec enthousiasme. Le don d'un cœur comme le tien est au-dessus de tous les bienfaits. Mais Élisabeth ne saurait être trop généreuse. La jeune fille alors, unissant la main du jeune homme à celle de ses parents, lui dit avec une modeste rougeur « Vous promettez de ne les quitter jamais ?»« Mon Dieu, ai-je bien entendu » s'écria-t-il. « Ses parents me la donnent, et elle consent à être à moi. » Il n'acheva point. Il pencha son visage baigné de larmes sur les genoux d'Élisabeth. Il ne croyait pas que dans le ciel même, on pût être plus heureux que lui. Et l'ivresse de cette mère qui revoyait son enfant, le tendre orgueil de ce père qui devait la liberté au courage de sa fille, l'inconcevable satisfaction de cette pieuse héroïne qui, à l'horreur de sa vie, venait de remplir le plus saint des devoirs et ne voyait plus aucune vertu au-dessus de la sienne, tous ses biens réunis, tous ses bonheurs ensemble, ne lui semblaient pas pouvoir égaler le bonheur qu'il devait au seul amour. Maintenant, si je parlais des jours qui suivent celui-là, je montrerais les parents s'entretenant avec leur fille des cruelles angoisses qu'ils ont endurées pendant son absence. Je les montrerai écoutant avec toutes les émotions de l'espérance et de la crainte le récit qu'elle leur fait de son long voyage. Je ferai entendre les bénédictions du Père en faveur de tous ceux qui ont secouru son enfant. Je ferai voir la tendre mère montrant attachée sur son cœur, comme la seule force qui avait pu la faire revivre jusqu'à cet instant, la boucle de cheveux envoyée par Élisabeth. Je dirai ce que les parents éprouvèrent le jour que l'exilé se présenta dans leur cabane pour lui apprendre le bien que leur fille lui avait fait. Je dirai les larmes qu'ils versèrent au récit de sa détresse, des larmes qu'ils versèrent au récit de sa vertu. Enfin, je raconterai leurs adieux à cette cabane sauvage, à cette terre d'exil, où ils ont souffert tant de maux, mais où ils viennent de goûter une de ces joies d'autant plus vives et plus pures qu'elles s'achètent par la douleur et naissent du sein des larmes, semblables aux rayons du soleil, qui ne sont jamais plus éclatants que quand ils sortent de la nue pour se réfléchir sur des champs trempés de rosée. Pure et sans tache comme les anges, Élisabeth va participer à leur bonheur. Elle va vivre comme eux d'innocence et d'amour. Ô amour, innocence, c'est assurément de votre éternelle union que se compose l'éternelle félicité. Je n'irai pas plus loin. Quand les images riantes, les scènes heureuses, se prolongent trop, elles fatiguent, parce qu'elles sont sans vraisemblance. On n'y croit point. On sait trop qu'un bonheur constant n'est pas un bien de la terre. La langue, si variée, si abondante pour les expressions de la douleur, est pauvre et stérile pour celle de la joie. Un seul jour de félicité les épuise. Élisabeth est dans les bras de ses parents. Ils vont la ramener dans leur patrie, la replacer au rang de ses ancêtres, s'énorgueillir de ses vertus, et l'unir à l'homme qu'elle préfère, à l'homme qu'ils ont eux-mêmes trouvé digne d'elle. C'en est assez, arrêtons-nous ici, reposons-nous sur ces douces pensées. Ce que j'ai connu de la vie, de ses inconstances, de ses espérances trompées, de ses fugitives et chimériques félicités, me ferait craindre, si j'ajoutais une seule page à cette histoire, d'être obligé d'y placer un malheur. Fin.